France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Pour cette première semaine de l'année 2024, voici une série, un jour, un philosophe, une question. Aujourd'hui, nous vous proposons de réécouter l'émission du 21 septembre 2023. Qu'est-ce que la séduction, selon Jean Baudrillard ? Et c'est avec Jean Baudrillard, philosophe disparu en 2007, que nous allons essayer de penser la séduction, attitude qui, selon Baudrillard, déborde tout à fait le domaine des relations amoureuses. Dans son livre de 1979, intitulé « De la séduction », il ne s'agit même pas de sexe ou d'échanges matériels de plaisir, si j'ose dire. Mais alors, de quoi s'agit-il ? D'un jeu avec la réalité qui évoque volontiers l'étymologie du mot « séduction », détourner les choses de leur droit chemin. Le droit chemin, c'est-à-dire sans doute celui de la réalité pesante, normée, organisée par toute une production économique. S'en évader par les mots, par les signes, par les images, et ainsi enchanter nos vies, leur redonner du charme. Je ne cacherai pas aux auditeurs la difficulté du texte de Baudrillard, que pour ma part j'ai toujours ressenti, et encore ces derniers jours, en préparant cette émission. J'ose même dire que je compte beaucoup sur les invités d'aujourd'hui pour m'aider à comprendre et pour vous aider aussi, vous qui nous écoutez. Bonjour Françoise Gaillard. Bonjour. Vous êtes philosophe, professeur émérite de l'université Paris 7 Denis Diderot. Vous connaissez très bien l'œuvre de Jean Baudrillard, y compris son œuvre photographique, car en plus de ses livres, Baudrillard faisait de la photographie. Et bonjour François Livonnet. Bonjour. Vous êtes déjà venu cette semaine nous parler de la philosophe Simone Veil, mais sur Baudrillard aussi, vous avez écrit, vous avez réalisé des entretiens avec lui, édité chez Albin Michel en 2001, et vous avez dirigé le Cahier de Lerne consacré à Jean Baudrillard, paru en 2013. Bienvenue à tous les deux, Françoise Gaillard et François Livonnet, pour, au sein de cette série consacrée au charme, analyser avec nous ce matin la notion de séduction, selon Jean Baudrillard. T'as pas faim ? Non, j'ai envie de rien. Je suis bien. C'est vrai ? T'es bien avec moi ? Ah, vous pouvez pas savoir comme je suis bien quand je suis avec vous. Je respire, je suis vivante. Ça doit être comme ça quand on est heureux. Tout ce que tu dis, ça tient pas en l'air. Tu dirais ça à un autre que moi, je trouverais ça idiot, mais tu me le dises comme ça à moi, bah, c'est marrant, ça me fait plaisir. T'as de beaux yeux, tu sais. Moi, c'est moi. Géraldine Mühlmann. C'est une scène ultra célèbre que vous venez d'entendre, mythique même pourrait-on dire, extraite de Quai des Brumes, ce film de Marcel Carné avec Jean Gabin et Michel Morgan. Les mots échangés sont très simples, presque pauvres. T'as pas faim, tu as de beaux yeux, embrassez-moi et enfin, embrasse-moi encore. Est-ce que cette ultra simplicité et ce côté mythique de la scène relèvent d'une séduction vulgaire, comme disait Baudrillard, c'est-à-dire gorgée de stéréotypes et dirigée vers l'échange sexuel ? Ou bien vous diriez, l'un et l'autre, mes invités de ce matin, au contraire, qu'il y a suffisamment de jeu avec les signes dans cette scène, de jeu avec les regards et les mots, justement, pour constituer cette sorte de séduction qui intéressait Baudrillard ? Françoise Gaillard. Je vous donnerai raison sur ce dernier point. Si on la prend au premier degré, effectivement, elle est d'une énorme banalité. Elle pourrait faire partie d'un jeu de drague, finalement, et échapper à la séduction. Alors qu'en fait, on sent qu'il y a quelque chose d'autre derrière et que s'il n'y a pas échange sexuel, le jeu de la séduction a eu lieu. Il n'en reste pas moins, si je puis juste vous demander cela, que ils se désirent charnellement. Enfin, c'est une évidence. Sûr, ça pourra arriver, ça, et ça se fera peut-être. Oui. Mais on sent que quelque chose peut se jouer autrement. D'ailleurs, quand Baudrillard parlait de la séduction, il disait que finalement, jouer était plus important que jouir. Oui, il y a ce moment du jeu qui est attaché à la question de la séduction. Et je voudrais juste citer le mot d'une actrice du 19e siècle, qui est moins connue que Sarah Bernhardt, mais qui s'appelait Marie Dorval, et qui disait « Je ne suis pas belle, je suis pire ». Et la séduction, très jolie, c'est ça. Je ne suis pas belle, mais je suis pire. Et on sent ce qu'il peut y avoir un peu de maléfique dans cet échange séducteur et qui est par-delà, au-delà, en deçà, etc., de la simple beauté. Et pour illustrer encore votre propos, on va citer, on va donner quelques extraits d'un documentaire de 1999 sur Jean Baudrillard et avec Jean Baudrillard, réalisé par Pierre Bourgeois. Et à un moment de cet entretien, Jean Baudrillard dit la séduction, ce n'est pas exclusif du plaisir, mais c'est autre chose que la jouissance. François Livonnet, cette scène de Quai des Brumes, vous la commenteriez comment ? Moi, je la rapporterais, et Baudrillard en parle d'ailleurs dans son livre sur la séduction, au journal du séducteur de Kierkegaard, où Baudrillard, il lit un duel énigmatique. Et moi, je vois dans cette scène une séduction qui joue sur deux énigmes. D'ailleurs, il dira « la séduction n'est pas mystérieuse, elle est énigmatique ». Absolument. Et ce côté énigmatique n'a pas de résolution. La résolution de cet énigme, c'est peut-être le sexe, c'est peut-être l'acte sexuel. Enfin, c'est ce qu'on entend clairement dans cette belle scène. D'ailleurs, peut-être que les mots sont assez banals, peut-être que ce n'est quand même pas assez en termes de jeu sur le signifiant, comme on disait à l'époque de Baudrillard et comme parfois il disait lui-même, mais c'est du cinéma. Donc il y a autre chose qui passe et il aimait les images et la photo aussi. C'est vrai, absolument. Et dans cette scène, il y a aussi quelque chose qui est important, c'est qu'on se rend compte que c'est autre chose qu'une affaire de désir, bon, qui parcourt l'histoire du cinéma, qu'il y a une véritable vision du monde. C'est-à-dire, il y a une autre manière de vivre le monde, de vivre avec les choses, avec les êtres, et qu'il y a ce moment d'incertitude. On ne pivote pas dans un autre monde, on reste dans cette indistinction. Et la séduction est de l'ordre de l'indistinction. Alors je vais vous proposer une autre scène de cinéma en vous demandant si celle-ci relève de la séduction dite vulgaire, comme le disait Jean Baudrillard. Moi je fais la différence sur le... l'imaginaire. Ouais. Monsieur est un conteur. Voilà. Mieux que ça, monsieur est écrivain. À la vitesse où je l'ai vu sortir son crayon... J'ai le vocabulaire qu'il faut, c'est tout, les mots qui titillent et puis un toucher magique. Alors tu vois, l'acte, il devient secondaire, hein. Eh oui. Moi je touche ma bille, moi c'est au roulage de pelle. Ah, la pelle c'est ma cam, moi, j'aurais pu être terrassier. À condition d'être nickel de la bouche, hein. C'est peut-être pas le cas, ça. Je suis assez partisane de cet échauffement. Mais les mains, les mecs, le doigté. Et alors ? Je peux prendre une bouche et prospecter, il n'y a pas de... Oui, non, mais attends, moi je vous parle des petits mouvements, là, sur le ventre, pour faire monter le plaisir, là. La petite glissade, celle qui effleure le galbe de la cuisse. Une femme, c'est une harpe. Faut faire vibrer chacune de ses cordes. Cette fois-ci, je vais quand même dire ce que c'est, Françoise Gaillard, c'est le film Les Grandes Bouches de 1999, réalisé par Bernie Bonvoisin. On entend notamment le personnage incarné par Gérard Darmon, la bouche à moitié pleine, dire « j'ai un toucher magique », l'acte devient secondaire », c'est ce qu'il dit, on n'est pas sûr de le croire. Est-ce que ce personnage, c'est peut-être le pire pour Baudrillard, ou alors le fait de le montrer comme ça, cinématographiquement, ça rend ce film, justement, très baudrillardien, si c'est comme ça qu'on dit. Au énième degré. Mais pour prolonger ce que disait François Livonnet, c'est vrai que dans le livre de Baudrillard sur la séduction, il y a une très longue analyse du journal Le Séducteur de Kierkegaard. Oui. Et très fine analyse. Et dans laquelle il montre qu'il s'agit de jeu, d'un jeu, d'un défi permanent, mais qui relève aussi qu'il y a une dimension presque transcendante, parce que ça rentre dans l'ordre de l'esthétique. Et il compare ça à un autre moment avec quelque chose qui serait de l'ordre de la séduction vulgaire, par exemple ce qui se passe dans les liaisons dangereuses. En fait, que veut Valmont ? Il veut séduire, hein, pour posséder Madame de Tourvel. Mais il nous montrera qu'il veut y entrer comme dans une place forte. Il y a quelque chose de ce qui est vulgaire, c'est ce côté militaire, ce côté « je vais l'emporter, elle va m'appartenir », etc. Alors que dans le journal du séducteur, qui se place au niveau de cette séduction sublimée, comme mode d'échange entre les êtres par Jean Baudrillard, il y a quelque chose d'énigmatique et de l'ordre du secret, du jeu, du défi, etc. Et à la limite, il nous dira, au fond, s'il y a un peu de séduction dans les liaisons dangereuses, il faudrait plutôt le chercher entre Merteuil et Valmont. Mais pas dans cette manière brutale, je vais l'emporter, je vais l'avoir. Alors peut-être cette brutalité qu'on entendait dans le personnage de ce film incarné par Gérard Darmon, peut-être que c'est pas au niveau de Valmont, quand même. Qu'est-ce que vous en pensez, François Livonnet ? Baudrillard parle à l'occasion de séduction vulgaire, il parle aussi de séduction molle ou de séduction pauvre. Mmh. Donc je crois que cette séduction vulgaire, etc., c'est la séduction qui a renoncé au risque. Au risque de l'identité, au risque du statut du sujet, au risque de la maîtrise. Quand on ne renonce pas à cela, on reste dans une séduction, je dirais, d'apparence superficielle. Mais le grand jeu, c'est de pivoter. C'est autre chose. C'est le contraire de quelque chose de guerrier, pour reprendre votre allusion, Françoise Guillard. C'est pas la conquête. Cela dit, excusez-moi, c'est un aparté, mais Valmont prend beaucoup de risques. Vous ne trouvez pas ? Oui, absolument. Non, mais moi, c'est le film. Oui, là, très bien. Non, on va pas faire. Parce que nous, les libertins, on en parle très souvent dans cette émission. Et on en a encore parlé, d'ailleurs, cette semaine avec Michel Doudou. Mais je crois que c'est très important d'associer la séduction à l'idée de défi que vient d'en parler, Françoise, et au risque. Mais se mettre soi-même en danger. Exactement. Parce que le risque, il est pris entre les deux partenaires de la séduction. Et ça peut aller, d'ailleurs, très très loin. Pour Jean Baudrillard, ça pourrait aller jusqu'à la mort. C'est-à-dire que la séduction est... Puisqu'elle n'a pas nécessairement comme finalité la réalisation sexuelle du désir, elle peut aller jusqu'à la mort. Bon, alors cette question de la mort, on y reviendra. Et surtout, je vous avoue très simplement que c'est un point que je ne comprends pas bien, et on va le reporter un peu plus tard, on va essayer d'autres choses avant. Alors, séduction vulgaire, il parle ainsi, en effet, parfois, Jean Baudrillard, nous avons un extrait de son entretien avec Pierre Bourgeois, de 1999, dans ce documentaire qui s'appelle « Mot de passe », et à quoi oppose-t-il la séduction vulgaire ? Écoutez. La séduction, c'est vraiment la maîtrise symbolique des formes, alors que l'autre n'est que la maîtrise matérielle du pouvoir. Je crois, moi, que le monde des formes, séduction, défi, réversibilité, tout cela, est plus puissant. Hein. L'autre est le terme, le monde de la production. Il a le pouvoir se fait là, mais la puissance... comme dirait Deleuze, en opposant les deux, la puissance, elle est du côté de la séduction. Et je pense qu'elle n'est pas primordiale en termes chronologiques, mais elle est plus puissante, à plus ou moins long terme, à mon avis, que tous les systèmes de production. Hein, production de richesse, production de sens, production de sexe et de jouissance, etc. Bon, tous les types de production, à mon avis, quelque part, ce qui l'emporte à la fin quand même, c'est le grand jeu de la séduction, mais à condition, encore une fois, d'éliminer l'acception vulgaire de la séduction. On entend, me semble-t-il, que la séduction, selon Jean Baudrillard, c'est le contraire du pouvoir, et ça se passe du côté du symbole, et il parle, pour ce qui est du symbolique, dont j'aimerais bien que vous m'expliquiez ce que c'est exactement, d'une maîtrise, une maîtrise, dit-il, symbolique des formes. Je vous écoute, François Livonnet, parce que c'est quand même un peu difficile. Oui, je crois que quand on parle de la séduction chez Baudrillard, il y a deux choses. Il y a d'un côté une sorte de projet pour rendre compte d'une donnée anthropologique, à savoir l'échange symbolique. Et quand on lit La Séduction, il y a la présence de son livre antérieur, qui est L'échange symbolique et la mort, oui, qui est nourri d'anthropologie. L'échange symbolique qui n'est pas l'échange marchand, et l'échange symbolique qui est caractérisé par la réversibilité. Juste pour comprendre, ce qu'on fait là, vous, moi, oui, François de Gaillard, c'est un échange symbolique ? Là, nous, si c'est une, par exemple, si c'est une conversation animée par la séduction, il y a un échange symbolique. Bien sûr. Il y a toujours de la séduction dans l'échange symbolique ? Non, c'est-à-dire que l'échange symbolique présente quelque chose de remarquable qu'on retrouve dans la séduction, mm-hmm, à savoir la réversibilité. C'est-à-dire réversibilité des termes dans le langage, par exemple, dans le langage poétique. Donc vous pouvez vous rectifier, par exemple. Vous dites un mot, vous pouvez le changer. Rien n'est gravé dans le marbre. On peut détacher le signifiant du signifié. Vous parliez tout à l'heure de ces distinctions, oui, chères aux linguistes. Dans la ritournelle religieuse, quand Baudrillard parle du rituel, par exemple, la répétition. Donc c'est des mots, d'abord. Oui. Des mots, mais aussi des signes qu'envoie le corps. Absolument, la réversibilité, on peut la trouver dans la danse, mmh, on peut la trouver aussi dans le sacrifice. Qu'est-ce qu'il y a dans le sacrifice ? On sacrifie, on met à mort pour se rendre favorable, par exemple, les dieux, pour que la vie se perpétue, que le cosmos soit bien réglé, comme chez les Aztèques, il faut nourrir de sang, d'accord, le soleil pour que tout continue à marcher. C'est la réversibilité des sexes. Mais alors, autre chose difficile à ce moment-là à comprendre, c'est qu'est-ce qui n'est pas symbolique ? Est-il possible d'avoir des échanges matériels dans le monde du travail, de la production, pour parler comme Baudrillard, où il n'y ait pas d'échanges symboliques ? Il y en a toujours. Oui, mais le symbolique est second dans la relation, oui, marchande. La relation marchande qui est caractérisée par quoi ? Au contraire, par une certaine irréversibilité. Il y a une production, il y a une cause, il y a un effet, il y a un début, il y a une fin, d'accord, il y a une séquence qu'on pourrait, et ça c'est pas simplement propre à la modernité, on peut trouver ça théorisé chez Aristote. Mmh. Par conséquent, c'est contre cela que la séduction intervient. Donc simplement, la séduction, elle est à la fois un opérateur conceptuel, d'où l'ambition de ce texte, et en même temps, elle est une sorte d'arme stratégique pour quel pouvoir, qu'est-ce qui nous reste dans un monde dominé par la production, dominé par l'opérationnalité, par l'échange marchand, par l'efficacité, mmh, tout ça. Que nous reste-t-il ? Est-ce que les pensées de la Révolution, les pensées de la Libération, et vous, on en parlera peut-être, ce qui reste peut-être, c'est la séduction, c'est-à-dire qui introduit une sorte de faille dans le système, par ce risque, par ce défi, par cette réversibilité, par l'échange symbolique. D'ailleurs, Françoise Gaillard, pour revenir à ce que tu dis et le compléter d'une certaine manière, dans mot de passe, et je lis juste une phrase. Mais je vous en prie. Il dit « Pour moi, l'univers de la séduction était ce qui s'inscrit radicalement contre celui de la production. » Alors, pour rendre les choses plus claires, il faut montrer que ce livre, et c'est pour ça qu'il a été souvent mal compris, s'inscrit dans un ensemble, L'échange symbolique et la mort, son grand livre, nourri par ses lectures de Marcel Mauss, c'est-à-dire les formes d'échange dans chez les peuples primitifs, c'est-à-dire le potlatch, qui fonctionne. Sur des formes de dons. De dons contre dons, dissipation. Non, pas la logique marchande. Voilà, consommation, il n'y a plus de logique rationnelle. Mm-hmm. Hein, et c'est pour ça qu'il y a quelque chose de mortel là-dedans, puisqu'on peut consommer tous ses biens dans ce type d'échange, de Mauss, de bataille, etc. Mais je ne vais pas développer. Et ce livre-là est, oui, miroir de la production. En un mot, au fond, moi, quand j'ai connu Jean Baudrillard, nous étions invités par Marcuse pour essayer de penser post-marxism. Herbert Marcuse. Mais ce qui était déterminant pour Jean Baudrillard, oui, et qui se trouve dans Miroir de la production. Ce livre de 1972, absolument. Et oui, que tout d'un coup, il a une intuition incroyable. Il dit, mais au fond, Marx et tous ceux qui ont critiqué le système de production capitaliste, oui, ils se sont attaqués à ça. Mais ils ne se sont jamais attaqués à cette forme qu'on appelle la production. Ils sont tous ceux qui s'opposaient au mode de production capitaliste. Ils ont lutté, ils ont défendu. Mais oui, ils sont restés attaqués quand même pas mal. Oui. Mais la forme production, ils n'y ont pas touché. Ils ont voulu qu'elle soit plus juste, autrement. Bon, mais ils n'y ont pas touché. Et qu'est-ce qui peut, au fond, subvertir cette forme production, sa rationalité, sa finalité, etc. Eh bien, c'est cette autre forme d'échange, oui, qu'il va trouver, encore une fois, vrai ou pas, peu importe, chez les peuples que l'on disait à l'époque primitif, aujourd'hui ça n'est sans doute pas bien porté de parler ainsi d'eux, qui est justement un mode différent et qu'il appellera la séduction. Capable donc de subvertir la production. Voilà, il n'a pas en vue la finalité, la rationalité, etc. Le texte que vous venez de citer, Françoise Gaillard, nous l'avons choisi aussi pour le lire un petit peu plus sur la longueur. Écoutez. La séduction est plus forte que la production. Elle est plus forte que la sexualité, avec laquelle il ne faut jamais la confondre. Elle n'est pas un processus interne à la sexualité, ce à quoi on la ravale généralement. Elle est un processus circulaire, réversible, de défi, de surenchère et de mort. C'est le sexuel, au contraire, qui en est la forme réduite, circonscrite en termes énergiques de désir. L'intrication du procès de séduction dans le procès de production et de pouvoir, l'irruption d'un minimum de réversibilité dans tout processus irréversible qui le ruine et le démantèle en secret tout en assurant ce continuum minimal de jouissance qui le traverse, sans quoi il ne serait rien. Voilà ce qu'il faut analyser. En sachant que partout et toujours, la production cherche à exterminer la séduction pour s'implanter sur la seule économie des rapports de force. Que partout le sexe, la production du sexe, cherche à exterminer la séduction pour s'implanter sur la seule économie des rapports de désir. La séduction est plus forte que la production. Jean Baudrillard oppose là à la force de la production une autre sorte de puissance. Je crois que vous vouliez préciser ce point, oui, Françoise Gaillard. Pour que ce soit plus clair, je voudrais donner un exemple concret. Il se trouve qu'il y a des années, je me trouvais en Indonésie, dans le pays de Toraja. Et là, il y a des rites funéraires qui sont extraordinairement ritualisés. On n'enterre pas les morts tout de suite. On attend d'avoir suffisamment d'argent pour convoquer le village entier, les villages proches. Et lors de ces cérémonies funèbres, on va sacrifier l'ensemble de ses bovins, on va sacrifier l'ensemble de sa production, et au fond, les gens vont se retrouver sans rien. Et voilà le système, si vous voulez, de pure consommation. Et le gouvernement indonésien a dit « c'est pas possible » parce que il se retrouve dans un état de pauvreté absolue, puisque dans cette espèce de rituel de consommation et de défi, parce que les autres populations, d'autres sont obligés de rendre, etc., à chaque fois il s'appauvrit, il repart à zéro. Donc il a commencé à ériger des lois, qui sont des lois de la production, en disant « non, vous n'avez pas le droit de sacrifier plus de 3 buffles ». Garder quelque chose. Vous voyez, j'entends ce que vous dites, mais c'est quelque chose qui est quand même les très deux difficile. Systèmes. Pardonnez-moi, il y a quelque chose de difficile à comprendre. Je comprends assez aisément qu'il y ait d'autres ordres de relations entre les gens que celle de la consommation et de la production, etc. Mais pourquoi faut-il que l'autre ordre alternatif, subversif, relève du sacrifice et engage la question de la mort? Je comprends la séduction, je ne comprends pas ce que la mort vient faire dans cette affaire. D'abord, replaçons les choses. Lorsque Baudrillard écrit ce texte, on est dans un contexte marqué par la psychanalyse, par la critique littéraire, celle de telle qu'elle, oui, qui sont chaque fois dominées d'ailleurs par la notion de production. On parlait de production textuelle, on parle de production de l'inconscient. De machine désirante. De machine désirante, on parle de Deleuze, oui. Deleuze, etc. Bon, donc cet univers de la production, il est rapportable, très clairement dans l'esprit de Baudrillard, oui, à un ensemble de discours qui sont des discours qui se veulent critiques. Qui se veulent critiques du système. Car ce ne sont pas des discours qui entérinent. La séduction est subversive, voilà. Elle engage le symbolique, tout ça est assez aisé à comprendre. Mais pourquoi la mort, pourquoi le sacrifice? Non, la mort, il faut l'entendre, c'est pas mortifère. La mort, c'est parce que c'est le cycle de la vie et de la mort. C'est, par exemple, ce que dit Baudrillard à propos, vous avez lu le chapitre sur la mort à Samarcande. Oui. C'est-à-dire, là, c'est cette idée qui parle du destin, de la fatalité. C'est-à-dire, finalement, que que la vie et la mort se nourrissent, que si on ne prend pas le risque de la mort, mais il y a de la mort de ses propres idées. Si on produit, c'est aussi pour vivre, et donc la question de la mort est au cœur de la question de la production et de la consommation. On consomme pour vivre, on produit pour aider le processus de la vie, et donc derrière, il y a la question de la mort. Moi, je pensais que la séduction ouvrait un autre espace, où justement, on sortait de ces considérations. Et vous remarquerez tout de même que, sans doute, la consommation, le système économique dominant dans lequel nous vivons, il y a la vie et la mort. Mais la mort est évacuée, déjà. Bon, on sait très bien que la mort est évacuée dans notre culture. On n'en parle pas. Ouais. On n'en parle pas. Les signes de la mort sont évacués, et ça, même sur des temps courts. Par conséquent, la séduction, ça n'est pas simplement domestiquer la mort, c'est d'en faire dans un duel et dans un défi, un horizon. Mais c'est surtout parce que procès de séduction est en soi illimité, puisqu'il n'a pas de finalité qui serait l'acte sexuel, la consommation. Et donc, il se situe au niveau d'une consommation des signes. Alors, théoriquement, je ne dis pas que ça doit se terminer par la mort, mais théoriquement, puisque ça s'inscrit dans un processus illimité, qui ne trouve pas dans la consommation sa finalité, on peut imaginer qu'on en meurt, qu'il peut aller au lieu d'imaginer qu'il peut aller jusqu'à la mort, comme les livres. Voilà, moi je dirais par exemple que bien qu'il baise en permanence, pour parler vulgairement, le film qui le montrerait, c'est l'Empire des Sens, où finalement, ce jeu va conduire à la mort. Mais c'est pas, vous voyez, c'est simplement. Je vous en prie, François-Olivier, bien sûr. Non, je voulais. Il y a un texte de Baudrillard qui a prêté à beaucoup de confusion. C'est son texte sur les Twin Towers, donc sur le 11 septembre. Et son analyse du 11 septembre, il faut le penser en termes d'un défi, si on l'analyse en dehors de toute espèce de considération humaine et morale, etc. Baudrillard n'est pas indifférent aux 3000 morts. Mais il y a ce risque de sa propre vie pour mettre l'autre en une situation d'un défi analogue, c'est-à-dire... Qui prend ce risque ? Les terroristes. D'accord. Les terroristes sacrifient leur vie, non pas simplement pour détruire des tours, mais pour mettre le système en face dans une situation. Quel risque êtes-vous prêt à prendre dans cet échange symbolique, dans cette confrontation symbolique ? Là, vous avez la notion de sacrifice. Ça lui a beaucoup plu, quand même, tout ça. Non, pas du tout. Ça, c'est la critique de Suzanne Sontag. On le lui a reproché, faisait pas jouir particulièrement. Non, il analyse comme, je sais pas, c'est comme si on disait que lorsque Bataille, dans l'érotisme, analyse les mille lambeaux, le supplice du chinois. Le supplice chinois. Bataille n'était pas là dans une situation en disant vivement, il ne commettait pas le péché d'envie en exposant ce supplice. Baudrillard ne commet pas un péché d'envie en exposant le sacrifice des terroristes. Simplement, il essaie d'analyser cette situation d'une manière distanciée et il y voit une sorte de rapport singulier qui est un rapport complexe dans lequel la morale n'a peut-être pas immédiatement sa place entre un défi et donc une sorte de position et de disposition sacrificielle. Mais d'ailleurs, à ce propos, et c'est une toute petite parenthèse, ça a été dit par de nombreuses personnes, y compris par Régis Debray, dans nos sociétés occidentales, nous n'avons plus l'idée que nous allons nous exposer à la mort, à nous sacrifier. Quand on mène un combat, etc., bon, 3 soldats tués, c'est terrible. Alors que autrefois, le rapport à la mort était pris en compte. On savait qu'on allait lutter pour la liberté, pour autre chose, etc., au prix de sa vie. Or, il nous dit, leur supériorité, c'est que eux mettent en jeu les terroristes, etc., ils mettent en jeu leur propre vie. Bon, moi, ça ne me met pas du tout à l'aise, cette analyse. Non, mais je suis d'accord. Et je ne pensais pas du tout qu'on irait sur les analyses de Baudrillard du 11 septembre. Je vous propose de revenir au texte de 1979 de La Séduction. Et il y a un point très intéressant, là, qu'on va essayer de creuser ensemble, c'est que Baudrillard dit que la séduction, qui n'est donc pas orientée directement vers l'acte sexuel, est une chose infiniment plus transgressive, subversive, voire utopique, car la notion d'utopie est présente chez Baudrillard, que la libération sexuelle, c'est-à-dire le droit de faire plein de choses sexuellement, évoquée et véritablement conquise dans les années 1960 et 70. Pourquoi la séduction, qui ne vise pas la jouissance, est-elle plus importante et plus subversive que la libération sexuelle ? On l'écoute, il s'agit à nouveau du documentaire de 1999, Les mots de passe. La séduction est un défi, c'est une forme hein, qui toujours tend à dérégler, à sortir quelqu'un de son identité, du sens qu'il peut prendre pour lui-même, et où il retrouve cette possibilité d'une altérité radicale, hein, c'est-à-dire de trouver dans l'autre, sous forme sexuelle, mais il y a d'autres formes que celle-là, sortir de son identité et retrouver le jeu de l'altérité. Alors là, la séduction semblait sous toutes ses formes, parce que c'est pas seulement sexuel, ça peut être dans le champ de l'art, ça peut être dans le champ de la... pourquoi pas, de la guerre, etc. Enfin, des formes définitivement, on n'est pas dans un système d'accumulation, de production, etc. Or, la libération sexuelle à laquelle on danse, surtout dans cette époque-là, on avait complètement affaire, c'est quand même bien un système de... comme la libération, je veux dire, du travail, hein, libération du travail comme force productive, libération de tout comme force productive. La libération, pour l'essentiel, c'est quand même une libération productiviste. Hein, c'est libérer l'énergie. Bon, le modèle archétypal étant, je ne sais pas, l'énergie matérielle, l'atome, enfin n'importe quoi. Tout ce qui se libère en tant qu'énergie positive. Il est positivisé. Alors ça me semblait, bon, en droite ligne évidemment avec le système de la production, mais contradictoire tout à fait avec le grand jeu de la séduction qui, lui, n'est pas du tout de type accumulatif, qui est au contraire pas non plus destructif au sens littéral du terme, hein, mais en termes de jeu. Nous parlons de la séduction ce matin, mais au sens de Jean Baudrillard. C'est un concept très élaboré que nous décortiquons ensemble avec deux bons connaisseurs, très bons connaisseurs de Jean Baudrillard, François Livonnet et Françoise Gaillard. Dans l'extrait que nous venons d'entendre, dans le propos de Jean Baudrillard, il semble que la transgression est insuffisante lorsqu'on cherche juste à conquérir un peu de liberté sexuelle au sein d'un ordre social quand même un peu répressif. Pardonnez-moi, j'ai tendance à dire ces choses dans la langue de quelqu'un que vous avez cité tout à l'heure, Herbert Marcuse, parce que j'ai l'impression qu'il y a là une vraie convergence. On va peut-être y revenir. Donc, chercher de la liberté active, positive, comme il dit, au sein d'une société répressive, bon, c'est pas mal, mais enfin, ça ne la subvertit pas autant que si on passe du côté du symbolique et qu'on met en œuvre de la séduction. François Livonnet, expliquez-nous tout ça. Évidemment, c'est toujours difficile. On vient de voir auparavant, quand on aborde un peu quelques aspects de la pensée de Baudrillard, on arrive à des choses un peu ambiguës. Les années 70, 80, etc., ont été habitées par ce mot d'ordre, ce projet de libération dans tous les domaines. Mmh. Libération des énergies, libération sexuelle, etc., libération des ressources, tout ce qu'on veut. Bon... Baudrillard n'est pas contre le fait que les mœurs soient plus libres, que je sais pas, que la jeunesse se libère. Il a été très proche d'un certain nombre de mouvements dans les années 68, par exemple. Non, c'est simplement ce concept de libération. Et là, il y a un mot de Baudrillard. Baudrillard disait « la liberté, c'est la solution la plus facile ». Pourquoi ? Parce que cette libération, elle libère de quoi ? Et quand on se libère, on va d'une situation, par exemple, d'aliénation vers une autre situation, oui, qui serait le résultat d'un affranchissement, d'une émancipation. Or, il dit que, finalement, la libération, c'est sortir d'un domaine productif pour aller dans un autre domaine de production, qui se trouve être libéré de ses énergies. Et que, prenons l'exemple de la libération sexuelle, elle n'a pas abouti à une radicalité concernant le pouvoir tel qu'il s'exerce à travers les sexes ou à travers un système, par exemple, de domination masculine, mais il va renforcer des identités. C'est assez intéressant parce que c'est une chose que certaines féministes ont dit aussi à propos de la libération, oui, sexuelle. C'est qu'au fond, oui, elle n'a pas servi tout le monde de la même manière et elle n'a pas modifié toujours en profondeur les rapports entre les hommes et les femmes. Et on va évoquer le fait que Baudrillard a par ailleurs eu quelques adversaires, je serais même tentée de dire ennemis chez les féministes, on va y revenir, mais sur ce point, il avait fait le même diagnostic. Oui, et puis, par exemple, lorsqu'il parle de la séduction et de l'indistinction, c'est-à-dire que dans la séduction, réversibilité du masculin dans le féminin, du féminin dans le masculin, oui. Et là, il a choisi un terme qui est un terme volontairement, à mon avis, provocateur, quand il parle du féminin comme figure de l'indistinction. Mmh. Le féminin, c'est pas la femme. Et donc, la libération, c'est de passer à côté de ce moment d'indistinction, d'indétermination, où l'un des sexes ne s'affirme pas contre un autre dans sa position et oui. dans son statut sexuel, mais accepte le jeu de l'ambivalence, le jeu de l'ambiguïté. Là, c'est là où Marcuse est à notre esprit aussi. Oui. La sublimation, pour parler comme Freud, et Marcuse parle comme cela dans Eros et Civilisation en 1955. Il dit que les pulsions sexuelles, bon, bien sûr, il faut leur donner un peu plus d'espace de liberté, mais ce qui est beaucoup plus important contre une société répressive, c'est de les sublimer, d'en faire autre chose que du sexe. Et il parle alors de transformer, je cite Marcuse, de transformer la sexualité en éros, c'est-à-dire de mettre de l'éros dans la vie, et pas seulement en termes d'actes sexuels, etc., mais dans les symboles. Là, ils se retrouvent, Françoise Gaillard, absolument. Marcuse et Baudrillard. Absolument. Mais ce que disait François est extrêmement juste, et c'est peut-être là-dessus qu'a porté le malentendu. Bien sûr qu'il était pour ces mouvements de libération, bien sûr, il l'a manifesté à plusieurs reprises, mais ce qui, au fond, pour lui était insuffisant, c'est que ça ne s'attaquait pas à ce que j'appelais la forme production qui reste le modèle du pouvoir. Et donc, au fond, avec la séduction, qui est un mot, mais c'est un mot qui est très difficile à manier, et avec la séduction, ce qu'il propose, c'est une sorte d'alternative. C'est-à-dire que il fallait avoir un autre mode d'échange qui soit infiniment plus subversif. Je peux donner l'exemple du langage, oui. qui l'a beaucoup intéressé. Ce qui l'intéressait à l'époque, la linguistique, la discipline dominante. Oui. Hein, ce qui va l'intéresser, c'est justement non pas que un signifiant renvoie un signifié et tout cela à un référent, mais c'est que les signifiants puissent s'attirer, se séduire. Il dit, Saussure en a eu l'intuition, mmh. avec les fameux anagrammes. Eh bien, voilà une alternative au mode de production qui veut toujours retomber sur de la référentialité, sur du réel, etc. Alors, est-ce que je peux vous poser encore une question? Je pense peut-être que c'est sur ce point, d'ailleurs, que vous aviez envie d'intervenir, on va voir. François Livonnet. Il fait quand même, Baudrillard, une incroyable confiance au symbole, justement, au langage, aux mots. Et c'est intéressant parce que dans un autre extrait, il dit qu'il faut faire fonctionner les signes autrement, je cite, c'est ce que vous venez d'expliquer, il faut les entraîner dans une surenchère et les faire dériver. Absolument. Or, la notion de dérive est une notion importante pour les situationnistes. Mais précisément, eux disaient, l'art c'est fichu, c'est envahi par la répression bourgeoise, il n'y a plus rien fondamentalement à en attendre, il faut envahir plutôt la rue, agir, etc. Baudrillard ne dit pas cela. Est-ce que je me trompe, François de Livonnet ? Oui, oui et non, parce que vous avez raison de la référence au situationnisme. Et au situationnisme est important. D'ailleurs, Baudrillard a été revendiqué à un moment donné par Debord et par d'autres. Bon. Mais il y a la critique qu'il fait du situationnisme, c'est qu'ils sont encore dans une pensée marquée par la pensée dialectique, le travail du négatif, par un langage marxiste, hegelo-marxiste. Bon, il se méfie de cela. Mais il y a quelque chose quand même de commun, c'est l'idée de radicalité. C'est-à-dire, quelle critique radicale, quelle position radicale peut-on avoir à l'égard du système ? Est-ce par la libération ? Est-ce par la révolution ? Oui. Est-ce par la réforme ? Or là, vous avez raison de citer les situationnistes, parce que les situationnistes, ils renvoient à la dérive urbaine, oui, par exemple, c'est-à-dire transformer la ville par le déplacement dans la ville. Physique, matériel, j'ai envie de... Mais physique, matériel, mais créant un univers symbolique, mmh, un univers symbolique oui, irréductible à l'univers qui domine le fonctionnement de la ville, c'est-à-dire l'organisation rationnelle de la ville, la circulation des ouvriers qui vont travailler, etc. Il y a cette influence-là est une influence fondamentale qui permet, vous parliez de la critique de l'art, si les situationnistes critiquaient l'art, c'est au nom d'une, je dirais, d'une esthétisation généralisée de oui, la vie et des mœurs. Chez Baudrillard, il y a aussi cela, d'une certaine oui, façon. Mais avec plus de confiance, j'ai l'impression, quand même, dans le symbolique, dans oui, le jeu de langage. Oui, mais c'est bien, vous parliez non, du symbolique avec beaucoup de raisons. Le mot grec, vous savez, dans les symboles, il y a toujours ces oui, deux éléments qu'il s'agit de rassembler. Qu'est-ce que c'est que ces éléments qui se rassemblent, hein? Alors, ils ne se rassemblent pas pour reconstituer une unité première, au sens métaphysique, mais c'est une sorte de perpétuel jeu avec cette unité improbable. Alors, nous allons aborder maintenant un sujet controversé. Lorsqu'il a fait paraître De la séduction, Jean Baudrillard a agacé plusieurs féministes parce que il donnait une place tout à fait essentielle, si j'ose dire, c'est bien l'essentialisation qu'on lui a reproché, aux femmes dans leur capacité à séduire et par là à être subversives à l'égard du pouvoir viril. On l'écoute et on commente après. Le terme séduction a été bon, il a été utilisé à tout bout de champ, dans un tout autre terme que ça, le pouvoir séduit les masses, enfin bon, la manipulation médiatique et tout ça, c'est de la séduction. Non, moi je l'entendais pas à ce niveau quand même extrêmement vulgaire, je dois dire, de la séduction, ou même dans les figures de grands séducteurs, etc., c'est-à-dire ça, la manipulation sexuelle. C'est pas ça, au contraire, d'une certaine façon, là. Et dans le domaine de la séduction, c'est vrai qu'il me semblait que, même historiquement, la femme avait une position privilégiée. Mais ça n'a pas été véritablement bien saisi. Parce que renvoyer la femme à la séduction, c'était justement la dessaisir de tout pouvoir, etc. C'était l'avouer aux apparences, etc. Donc la frivolité, etc. Ça, c'était un contresens total. C'était un contresens total, elles n'ont rien compris, les femmes, quand ils disaient que la séduction, c'était vraiment leur truc à elles. Non, je crois que là, et c'est François le point Gaillard, faible, c'est le gros problème de ce livre. Parce que, par rapport à ce que disait François, et même aux situationnistes, etc., ce qu'ils pouvaient leur reprocher, même dans leur esthétisation générale, leur transgression, c'est qu'au fond, ils ne faisaient pas éclater, encore une fois, la forme du système d'échange, ni les rapports dialectiques, ni la forme production. Et donc, on a bien compris, nous n'avons cessé de le répéter, ils cherchent, avec la séduction, un mode d'échange alternatif, dont oui, il sait que c'est une utopie. Il ne s'agit pas de revenir en arrière dans des systèmes primitifs où on va être dans le potelage. Il ne s'agit pas de dessiner un avenir où ce sera comme ça. C'est une utopie. Mais, et je viens à votre question, parce que c'est là le point d'achoppement, c'est que pour... il faut qu'il donne une forme à ce type d'échange qu'il appelle symbolique, et cette forme, eh bien, ça va être la femme. Et alors, à ce moment-là, que se passe-t-il? Eh bien, il se passe qu'il va trimballer et reprendre toutes sortes de topoï, ouais, toutes sortes de clichés sur la femme séductrice, fatale, dans l'apparence, dans le jeu, enfin tout ce que depuis des siècles on dit de la femme. D'ailleurs, il va reprendre le texte aussi de Baudelaire, l'éloge du ouais, maquillage, la star ça aussi. Ça vous a énervé, vous, à l'époque, comme femme? Non, parce que, ayant compris... Mais parce qu'il y a quelque chose là qui est mal vissé. Si on le prend comme ça, on dit, mais qu'est-ce qu'il a à nous trimballer tous ces vieux stéréotypes, la puissance de la femme, ouais, elle est dans le détournement, elle est dans la tricherie, elle est dans le leurre, elle est dans le jeu. Et Dieu sait s'il y a une littérature ouais, abondante. Il n'a pas fait très attention quand même. On va écouter, on va lire un passage de la séduction où il évoque la séductrice. Écoutez. Pour la séduction, le désir est un mythe. Si le désir est volonté de puissance et de possession, La séduction dresse devant lui une volonté de puissance égale par le simulacre. Et c'est par le réseau des apparences qu'elle suscite cette puissance hypothétique du désir et qu'elle l'exorcise. De même que pour les séducteurs de Kierkegaard, la grâce naïve de la jeune fille, sa puissance érotique spontanée, n'est qu'un mythe et n'a d'autre réalité que d'être suscité pour être anéanti. Ainsi, la puissance du désir de l'homme est un mythe sur lequel travaille la séductrice pour l'évoquer et l'abolir. Et l'artifice du séducteur, qui vise la grâce mythique de la jeune fille, est tout à fait égal à la construction artificielle de son corps par la séductrice, qui, elle, vise le désir mythique de l'homme. Dans l'un et l'autre cas, il s'agit de réduire à néant cette puissance mythique, que ce soit celle de la grâce ou celle du désir. La séduction vise toujours la réversibilité et l'exorcisme d'une puissance. Si la séduction est artificielle, elle est aussi sacrificielle. La mort y est en jeu. Toujours, il s'agit de capter ou d'immoler le désir de l'autre. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Nous avons déjà évoqué la question de la mort, un peu difficile. Mais je ne vais pas y revenir. Je voudrais juste finir ma phrase, si ça ne vous ennuie pas, François Legard. Je voudrais expliquer aux auditeurs ce qu'ils viennent d'entendre. Il s'agit d'un extrait de La séduction de Jean Baudrillard. Donc, je laisse de côté la question de la mort qui apparaît à la fin et dont nous avons parlé. Ce texte dit que la séductrice vise en réalité à détruire le mythe du mal puissant, etc. La question qui s'est posée était de savoir s'il n'avait pas, pour dire cela, mis en jeu un autre mythe, le mythe du féminin, de la femme. Je vous écoute, François Gaillard. Excusez-moi. Non, parce que je voulais préciser cette chose. Je comprends que ce qui peut faire hurler, c'est que si vous regardez le livre, il y a un petit un sous-chapitre qui s'intitule « La femme fatale » et tout de suite après, on parle de l'animalité. Oui. On retrouve effectivement, encore une fois, la femme est proche de l'animalité, l'instinctualité, et on voit comment ça a pu être nourri, encore une fois, je vous disais, par toutes sortes de topoi, y compris par la philosophie de Schopenhauer et ce qu'il a pu dire sur les femmes. Mais pourquoi est-ce que ça ne m'a pas choqué? Pourquoi est-ce que ça ne m'a pas choqué? Parce que, comme je le disais, comme François l'a dit au début, la séduction est un concept opératoire. Et ce n'est pas tellement de la femme dont il parle, et c'est du féminin comme principe sur lequel il s'appuie pour produire une alternative à un mode de production dont nous avons déjà parlé. Alors évidemment, là où le texte vient buter, c'est que ce féminin, eh ben, il le trouve dans la femme, et la confusion se fait. Et à ce moment-là, on a un portrait de la séductrice qui peut être extrêmement dérangeant. Et on a envie de dire, c'est le point faible de tout son texte. Et en réalité, vous le dites très bien dans vos travaux l'un et l'autre, c'est la notion même d'identité, y compris chez la femme, qu'il veut détruire par le jeu de la séduction. C'est donc vraiment un contresens que l'on fait en lui imputant un mythe du féminin alors que son objectif est de jouer avec toutes les identités et de les subvertir. François Livonnet. Ah oui, ça très clairement, mais je crois que d'abord, pour ceux qui ont connu Jean Baudrillard, c'était tout sauf un macho. On ne peut pas ici simplement le soupçonner d'exprimer des mœurs et des manières d'être sociales. Non. Je crois qu'il y a deux choses, c'est que les féministes, d'abord, lorsqu'elles ont critiqué Jean Baudrillard, l'ont-elles vraiment lu? C'est une question que je me pose. Ou en sont-elles restées à quelques termes comme cela? Parce que la femme et l'homme, dans le texte de référence, ce sont des figures. Il faut les prendre comme des figures. Mmh. Et ces figures, elles ont un mode de fonctionnement, justement, quand on le rapporte à l'idée d'identité. Alors la femme qui est du côté de la puissance, pourrait-on dire, de la séduction, l'homme qui est du côté du pouvoir. Et puis il y a ce féminin. Alors, on passe de la figure au concept. Qu'est-ce que c'est que le féminin? C'est un concept qui se veut subversif, puisqu'il conteste toute identité. C'est la figure du travesti. Alors, à un moment donné, il dit même le transvesti, pour montrer. Et là, c'est intéressant. Ce qui voudrait dire, peut-être, qu'en réalité, Jean Baudrillard est beaucoup plus proche des réflexions actuelles anti-binarité, faisant l'éloge du trans, de la capacité à jouer avec les codes féminins et masculins, que de ce dont on l'a accusé, c'est-à-dire d'un mythe essentialisant le féminin. Enfin, vous pensez qu'il y a des vraies convergences entre lui et certaines réflexions sur le non-binaire ? Réflexion, car vous savez très bien que dans le trans, il y a ceux qui quittent un genre pour aller vers un autre genre, d'une identité vers une autre identité, et qui revendiquent fièrement et fortement cette identité de destination. Oui. Il y a là quelque chose qui est toujours ce point d'hésitation, ce point d'indétermination. Quand on se tient sur cette ligne de crête, c'est le grand jeu. À ce moment-là, c'est on est. C'est le grand dans... jeu, j'adore. C'est le grand jeu. Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, mais le grand jeu, pour comprendre, c'est le terme que utilise Baudrillard, ce grand jeu qui met en jeu, c'est le risque maximal, c'est le défi maximal qui met en jeu jusqu'à son statut de sujet, jusqu'à son identité. Le grand jeu est surréaliste. Oui, et même d'avant. Car le grand jeu, c'était les gens de Reims, etc. C'était, comment il s'appelle déjà, d'Aumale, etc. Mm-hmm. Des gens qui étaient au lycée de Reims, où Baudrillard a fait ses études. Il a fait ses études là où le grand jeu est né. Vous pensez qu'il y a quelque chose à sauver chez Baudrillard d'une critique abusive? Est-ce que vous sentez encore la militante à cet égard, Françoise Gaillard? Il faut essayer de le sauver d'une critique trop facile? Écoutez, je terminerai en disant qu'il y a une petite expérience américaine qui me donne envie de faire lire du Jean Baudrillard. La séduction est évidemment ce qui est totalement contraire à la culture américaine, qui est une culture du contrat, du donnant-donnant. Ah oui, ça, ils supportent pas, le contrat. Et donc, les Américains, c'est le donnant-donnant. Enfin, c'est certaines féministes, vous pensez que c'est ça qui est à l'œuvre. Et alors là, pour le coup, c'est irréconciliable avec Baudrillard. Voilà, c'est donnant-donnant. Ouais. Et je me souviens, dans une université américaine, où on disait aux jeunes garçons qui sortaient le soir, on leur disait, attendez, venez chercher un formulaire et demander à votre partenaire de cocher toutes les cases montrant ce qu'elles étaient prêtes à accepter. C'est-à-dire que la relation homme-femme est de l'ordre du contractuel. Il y a presque une sorte de juridisation de l'échange sexuel. Et ça n'a sexuel. Rien à voir avec la séduction au sens de absolument. Baudrillard. C'est pour ça qu'ils détestent la séduction qui, justement, est le pas de côté, etc. Et je me dis que ça leur ferait peut-être du bien de lire quelques pages de Baudrillard pour sortir de cette chose qui est beaucoup plus mortifère que la question de la mort chez Baudrillard. Like a magnet, you're like a piece of wood, can't get together, don't make me feel so good. I'm like a convict, you're like the FBI, I ask for bread. C'était NRBQ, New Rhythm Blues Quintet, un groupe de rock américain fondé en 1967 qui chantait en 1972 Magnet. Et il y a beaucoup de jeux de mots. C'est vraiment le jeu de la séduction à la Baudrillard. Je suis comme un aimant, tu es comme un morceau de bois. Je suis comme un morceau d'acier, tu es comme un aimant. On bouge. On s'est dit que c'était assez fidèle à Baudrillard. Merci à tous les deux, François Livonnet et Françoise Gaillard, pour vos éclairages sur Baudrillard et la séduction. À présent, voici la chronique de Frédéric Vorne. Voici le pourquoi du comment. Pourquoi caricature-t-on les idéalistes? Le terme d'idéaliste, plutôt avec cette connotation personnelle et non pas au sens d'une doctrine qui serait l'idéalisme, qui a sa dignité, son heure de gloire dans l'histoire de la philosophie, le terme d'idéaliste en vient à désigner des caractères individuels qu'on trouve parfois comiques, tellement ils se désintéressent du réel. Et d'ailleurs, ils illustrent bien cette définition du comique qu'on trouve chez Bergson dans Le Rire, où le comique est défini par du mécanique plaqué sur du vivant, et Bergson montre que l'idée fixe le distrait, celui qui pense des idées abstraites mais qui se désintéresse de la vie, celui-là est essentiellement, intrinsèquement comique. C'est celui qui, en effet, tombe dans un puits, glisse sur une peau de banane parce qu'il pense à ses idées, et c'est les idéalistes qu'on trouve sur nos scènes de théâtre. Mais Bergson le montrait déjà, le rire, le comique a une fonction sociale, une fonction collective. La critique des idéalistes n'est jamais seulement un objet et un enjeu individuel, en quelque sorte moralisant, ou un enjeu théorique et de philosophie de la connaissance. Elle prend aussi un aspect social, comme si c'était un risque individuel mais aussi collectif, comme si être idéaliste c'était aussi le risque d'être manipulable, le risque d'être manipulé. C'est ce que nous montre même une chanson française de la fin du XXe siècle, à l'ère de la consommation sur fond d'idéal, sur fond de valeur, sur fond de bons sentiments. C'est cette chanson d'Alain Souchon. Car foule sentimentale, on a soif d'idéal. Attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. On a soif d'idéal. Peut-être que le mot le plus important dans cette chanson, c'est le « on ». Le « on » de la foule. Ce n'est pas tellement l'idée d'un idéaliste individuel qui, encore une fois, se glisserait sur une peau de banane. C'est plutôt l'idée que les idéaux, les idées morales, les idées, les bonnes idées, les bons sentiments, comme on dit parfois, sont une fragilité collective, peuvent être manipulés politiquement, publiquement, par la publicité, peuvent être des objets cyniquement utilisé par les pouvoirs pour nous orienter dans telle ou telle direction. Comment éviter que nos idées deviennent des pièges? Comment éviter que nos idéaux deviennent des leurs? Comment éviter que les idéalistes soient collectivement manipulés et non pas socialement actifs pour demander, pour exiger, non pas la réalisation des idées parfaites, mais au fond, plutôt la correction des défauts du réel par l'application de certains principes qui surgissent précisément de ces refus. Les idées surgissent de certains refus et non pas de certaines fictions. Mais une fois qu'elles ont surgi, c'est assez facile. Tout le monde peut dire qu'il lutte pour la justice. Tout le monde peut dire qu'il va vous proposer le bonheur parfait. On peut vous vendre n'importe quoi avec le sourire d'une mère et d'un enfant et avec un soleil couchant sur le fond d'une beauté du monde. Le monde réel d'aujourd'hui ne doit pas nous détourner des idéaux, mais des manipulations des idéaux doit faire surtout que l'idéalisme ne devienne pas lui-même une idéologie. Cette émission peut être retrouvée en podcast sur le site de Radio France ou sur l'appli Radio France. C'est dans les programmes de France Culture, bien sûr. Elle a été réalisée par Riad Kera avec à la technique Valentin Bobinet. Merci à eux et à toute l'équipe d'Avec Philosophie qui a préparé cette émission avec moi, Anna Feulpin particulièrement, et puis Marine Boudalier, Chaïma Giboire, Carla Michel et Antoine Ravon. Vous êtes bien sur France Culture. Vive la curiosité.